Ah, je suis dans un état d'énervement, vous avez pas idée. Oui, car j'étais, comme vous l'aviez indiqué, ah, ça m'a titillé. Du coup, j'ai été voir ces slips de la nouvelle collection Homme, placardés sur les murs de Paris. J'étais en train d'en chourer quelques-uns, quand d'un seul coup, mon téléphone sonne. Ah, punaise, on peut plus chourer tranquille, c'est pas vrai. Allô? Allô, le bout, c'est moi, c'est Valérie. Ah, qu'est-ce que tu veux, vieux calcif? Si c'est pour récupérer tes disques de Pierre Bachelet, je t'ai déjà dit, je sais plus où je les ai rangés. Non, c'est pas ça. Ben voilà, les températures baissent de façon inquiétante. J'ai peur de mourir gelé si je sors. Oui, ben, tu sors pas. Vous êtes drôle, vous. Faut que je prenne l'air, c'est mon docteur qui me l'a dit. Oh. Ouvre la fenêtre. Et pour me dégourdir les jambes? Ben, mets-les à la fenêtre aussi. Enfin, elle bout pour la mort du Christ. Je vous demande un petit service pour y faire un effort. Oh non. Non, me dis pas, tu veux que je te sorte. Ben, si. Allez, Helmut, s'il vous plaît, soyez chic. Bon, je vais bien te sortir une fois par semaine, mais pas plus. Bon, enfin non, écoute, faut te faire une petite balade tous les jours. Parce qu'est-ce qu'il fasse moins froid? Bon ben, 5 minutes vers les 10-11 heures, hein. Tu pisses, on rentre. Bon, enfin écoutez, je suis pas un chien. Faut moi le tour du pâté de maison. Non. Bon ben, je viens habiter chez vous alors. Ah non, pas ça. Bon, juste quand même, après je m'en vais. Non, non, c'est pas possible. Au bout de 48 heures, je vais avoir envie de te tuer, Valérie. Bon, ben, de toute façon, que je meurs chez vous, tout est gelé, tout le monde s'en fout. J'ai bien compris que j'allais mourir dans l'indifférence. Comme une crotte de chien bulgare. C'est pas vrai, tout le monde s'en fout pas de toi, mais arrête de chialer, Valérie. Je chiale si je veux. Après tout, c'est ma mort à moi. C'est bon, t'as gagné, vieille carne. Tu viens à la maison, mais jusqu'à la fin du mois, pas plus. Bon, le bout, c'est très bon chic, hein. Merci. Je peux vous serrer dans mes bras? Ah non. Je peux vous embrasser? Non. Une petite pastille Vichy? Non. Lâche-moi, vieux mouflon. Non. Et voilà, mon Christophe. Une fois de plus, ma bonté légendaire me met dans le pétrin, dans la cagade. Je vais l'avoir sur le dos maintenant, le vieux. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais ouvrir la fenêtre de sa chambre pendant qu'il dort. Peut-être que ça va le faire partir. Enfin, on verra. Allez, au revoir, Arsène.